Mélancolique villégiature de Madame de Brève par Marcel Proust. Chapitre 1er. Françoise de Brève hésita longtemps ce soir-là pour savoir si elle irait la soirée de la princesse Luce d'A à l'opéra ou à la comédie des livrets. Chez les amis où elle venait de dîner, on était sorti de table depuis plus d'une heure et il fallait prendre un parti. Son amie Geneviève, qui devait revenir avec elle, tenait à la soirée de Madame d'A, tandis que, sans bien savoir pourquoi, Madame de Brève aurait préféré faire une des deux autres choses, ou même une troisième, rentrer se coucher. On annonça sa voiture. Elle n'était toujours pas décidée. « Vraiment, dit Geneviève, tu n'es pas gentil puisque je crois que Resquet chantera, et que cela m'amuse. On dirait que cela peut avoir de graves conséquences pour toi d'aller chez Luce. D'abord, je te dirais que tu n'es pas allé cette année à une seule de ces grandes machines. » Lié avec elle, comme tu l'es, ce n'est pas très gentil. Françoise, depuis la mort de son mari qui l'avait laissée veuve à 20 ans, il avait 4 ans de cela, ne faisait presque rien sans Geneviève et aimait à lui faire plaisir. Elle ne résista pas plus longtemps à sa prière, et après avoir dit adieu au maître de la maison et aux invités désespérés, d'avoir si peu joui d'une des seules exquises femmes de Paris, dit au valet de pied, « Chez la princesse d'A. » Chapitre 2e. La soirée de la princesse fut très ennuyeuse. À un moment, Madame de Brève demanda à Geneviève « Qui est donc ce jeune homme qui t'a amené au buffet ?»« C'est monsieur de Laléande, que je ne connais d'ailleurs pas du tout. Veux-tu que je te le présente ?»« Il me l'avait demandé ?» J'ai répondu dans le vague, parce qu'il est très insignifiant et ennuyeux, et comme il te trouve très jolie, il ne te lâcherait plus. « Oh, alors non, » dit Françoise. « Il est un peu laid du reste, et vulgaire, malgré de ses beaux yeux. »« Tu as raison, » dit Geneviève. Et puis tu le rencontreras souvent. Cela pourrait te gêner si tu le connaissais. » Elle ajouta en plaisantant, « Maintenant, si tu désires être intime avec lui, tu perds une bien belle occasion. » « Oui, une bien belle occasion, » dit Françoise, et il pensait déjà à autre chose. « Après tout, » dit Geneviève, pris sans doute du remords d'avoir été un si infidèle mandataire et d'avoir gratuitement privé ce jeune homme d'un plaisir, « c'est une des dernières soirées de la maison. » Cela n'aurait rien de bien grave, et ce serait peut-être plus gentil. Eh bien, soit, s'il revient par ici. Il ne revint pas. Il était à l'autre bout du salon, en face d'elle. Il faut nous en aller, dit bientôt Geneviève. Encore un instant, dit Françoise. Et par caprice, surtout de coquetterie envers ce jeune homme, qui devait en effet la trouver bien jolie, elle se mit à le regarder un peu longtemps, puis détournait les yeux et les fixait de nouveau sur lui. En le regardant, elle s'efforçait d'être caressante, elle ne savait pourquoi, pour rien, pour le plaisir de la charité, et de l'orgueil un peu, et aussi de l'inutile, le plaisir de ceux qui écrivent un nom sur un arbre pour un passant qu'ils ne verront jamais, de ceux qui jettent une bouteille à la mer. Le temps passait, il était déjà un peu tard. Monsieur de Laléante se dirigea vers la porte qui resta ouverte après qu'il fut sorti, et Madame de Brève l'apercevait au fond du vestibule qui tendait son numéro au vestiaire. « Il est temps de partir, tu as raison, » dit-elle à Geneviève. Elles se levèrent. Mais le hasard d'un mot qu'un ami de Geneviève avait à lui dire laissa Françoise seule au vestiaire. Il n'y avait là, à ce moment, que M. de Laléante qui ne pouvait trouver sa canne. Françoise s'amusa une dernière fois à le regarder. Il passa près d'elle, remua légèrement le coude de Françoise avec le sien, et les yeux brillants, dit au moment où il était contre elle, ayant toujours l'air de chercher, « Venez chez moi. » Saint-Cru-Royal. Elle avait si peu prévu cela, et maintenant M. de Laléande continuait si bien à chercher sa canne qu'elle ne sut jamais très exactement dans la suite si ce n'avait pas été une hallucination. Elle avait surtout très peur, et le prince de A, passant à ce moment, elle l'appela, voulait prendre rendez-vous avec lui pour faire le lendemain une promenade, parlait avec volubilité. Pendant cette conversation, M. de Laléande s'en était allé. Geneviève arriva au bout d'un instant et les deux femmes partirent. Madame de Brève ne raconta rien et resta choquée et flattée, au fond très indifférente. Au bout de 2 jours, ayant repensé par hasard, elle commença à douter de la réalité des paroles de M. de Laléande. Essayant de se rappeler, elle ne le put pas complètement, crut les avoir entendus comme dans un rêve et se dit que le mouvement du coude était une maladresse fortuite. Puis elle ne pensa plus spontanément à M. de Laléande. Et quand par hasard elle entendait prononcer son nom, elle se rappelait rapidement sa figure et avait tout à fait oublié la presque hallucination du vestiaire. Elle le revit à la probablement dernière soirée qu'on devait encore donner cette année-là. Juin finissait, n'osa pas demander qu'on le lui présentât, et pourtant, malgré qu'elle le trouvât presque laid, le sût pas intelligent, elle aurait bien aimé le connaître. Elle s'approcha de Geneviève et lui dit « Présente-moi tout de même, monsieur de la Léande. Je n'aime pas être impoli, mais ne dis pas que c'est moi qui le demande. Cela m'engagerait trop. Tout à l'heure, si nous le voyons, il n'est pas là pour le moment. Eh bien, cherche-le. Il est peut-être parti. Mais non, dit très vite Françoise. Il ne peut pas être parti, il est trop tôt. Oh, déjà minuit ? Voyons, ma petite Geneviève, ce n'est pourtant pas bien difficile. L'autre soir, c'était toi qui voulais. Je t'en prie, cela a un intérêt pour moi. » Françoise la regarda un peu étonnée et alla à la recherche de M. de la Léande. Il était parti. « Tu vois que j'avais raison, » dit Geneviève en revenant près de Françoise. « Je m'assomme ici, » dit Françoise. « J'ai mal à la tête. Je t'en prie, partons tout de suite. » Chapitre 3e. Françoise ne manqua plus une fois l'opéra, accepta avec un espoir vague tous les dîners où elle fut encore invitée. 15 jours se passèrent, elle n'avait pas revu M. de la Léande et souvent se réveillait la nuit en pensant au moyen de le revoir. Tout en se répétant qu'il était ennuyeux et pas beau, elle était plus préoccupée par lui que par tous les hommes les plus spirituels et les plus charmants. La saison finie, il ne se présenterait plus d'occasion de le revoir. Elle était résolue à en créer et cherchait. Un soir, elle dit à Geneviève « Ne m'as-tu pas dit que tu connaissais un monsieur de la Léande ?»« Oui et non, il m'a été présenté, mais il ne m'a jamais laissé de carte. Je ne suis pas du tout en relation avec lui. » C'est que, je te dirais, j'ai un petit intérêt, même assez grand, pour des choses qui ne me concernent pas et qu'on ne me permettra sans doute pas de te dire avant un mois. » D'ici là, elle aurait convenu avec lui d'un mensonge pour ne pas être découverte, et cette pensée d'un secret où seuls ils seraient tous les deux lui était douce. « À faire sa connaissance, et à me trouver avec lui. Je t'en prie, tâche de me trouver un moyen, parce que la saison est finie et il n'y aura plus rien où je pourrais me le faire présenter. » Les étroites pratiques de l'amitié, si purifiantes quand elles sont sincères, abritaient Geneviève aussi bien que Françoise des curiosités stupides qui sont l'infâme volupté de la plupart des gens du monde. Aussi, de tout son cœur, sans avoir eu un instant l'intention ni le désir, pas même l'idée d'interroger son amie, Geneviève cherchait, se fâchait seulement de ne pas trouver. C'est malheureux que Madame Da soit partie. Il y a bien Monsieur de Grumello, mais après tout, cela n'avance à rien. Quoi lui dire? Oh, j'ai une idée. Monsieur de la Léande joue du violoncelle, assez mal, mais cela ne fait rien. Monsieur de Grumello l'admire, et puis il est si bête, et sera si content de te faire plaisir. Seulement toi, qui l'avais toujours tenu à l'écart et qui n'aime pas lâcher les gens après t'en être servi, tu ne vas pas vouloir être obligé de l'inviter l'année prochaine. » Mais déjà, Françoise, rose de joie, criait « Mais cela m'est bien égal. J'inviterai tous les rastaquaires de Paris s'il le faut. Fais-le vite, ma petite Geneviève, que tu es gentille. » Et Geneviève écrivit « Monsieur, vous savez comme je cherche toutes les occasions de faire plaisir à mon amie Madame de Brève, que vous avez sans doute déjà rencontrée. Elle a exprimé devant moi, à plusieurs reprises, comme nous parlions au violoncelle, le regret de ne jamais avoir entendu M. de la Léande, qui est un si bon ami à vous. Voudriez-vous le faire jouer pour elle et pour moi? Maintenant qu'on est libre, cela ne vous dérangera peut-être pas trop, et ce serait tout ce qu'il y a de plus aimable. Je vous envoie tous mes meilleurs souvenirs. Allez les rouvre, buivre. Portez cela tout de suite chez M. de Grumello, dit Françoise à un domestique. N'attendez pas de réponse, mais faites-le remettre devant vous. » Le lendemain, Geneviève faisait porter à Madame de Brève la réponse suivante de M. de Grumello. « Madame, j'aurais été plus charmé que vous ne pouvez l'imaginer de satisfaire à votre désir et à celui de Madame de Brève, que je connais un peu et pour qui j'éprouve la sympathie la plus respectueuse et la plus vive. Aussi, je suis désespéré qu'un bien malheureux hasard ait fait partir M. de la Léande il y a juste 2 jours pour Biarritz, où il va hélas passer plusieurs mois. Daignez accepter, madame, etc. Grumello. » Françoise se précipita toute blanche vers sa porte pour la fermer à clé. Elle en eut à peine le temps. Déjà des sanglots venaient se briser à ses lèvres, ses larmes coulaient. Et c'était comme une mauvaise marée qui montait sans qu'elle pût l'arrêter, semblait vouloir la noyer toute. Jusque-là, tout occupée à imaginer des romans pour le voir et le connaître, certaine de les réaliser dès qu'elle le voudrait. Elle avait vécu de ses désirs et de cet espoir sans peut-être s'en rendre bien compte. Mais par mille imperceptibles racines qui avaient plongé dans toutes ses plus inconstantes minutes de bonheur ou de mélancolie, il faisait circuler une sève nouvelle, sans qu'elle sût d'où elle venait. Ce désir s'était implanté en elle. Voici qu'on l'arrachait pour le rejeter dans l'impossible. Elle se sentit déchirée, dans une horrible souffrance de tout cet elle-même déraciné tout d'un coup, et à travers les mensonges subitement éclaircis de son espoir, dans la profondeur de son chagrin, elle vit la réalité de son amour. Chapitre 4. François se retira chaque jour davantage de toutes les joies, au plus intense à celle-là même qu'elle goûtait dans son intimité avec sa mère ou avec Geneviève, dans ses heures de musique, de lecture ou de promenade. Elle ne prêtait plus qu'un cœur possédé par un chagrin jaloux et qui ne la quittait pas un instant. La peine était infinie que lui causait l'impossibilité d'aller à Biarritz et, cela eût-il été possible, sa détermination absolue de n'y point aller. Compromettre par une démarche insensée tout le prestige qu'elle pouvait avoir aux yeux de M. de Laléande. Pauvre petite victime à la torture sans qu'elle sût pourquoi. Elle s'effrayait la pensée que ce mal allait peut-être ainsi durer des mois, avant que le remède vînt, sans la laisser dormir calme, rêver libre. Elle s'inquiétait aussi de ne pas savoir s'il ne repasserait pas par Paris, bientôt peut-être, sans qu'elle le sût. Et la peur de laisser passer une seconde fois le bonheur si près l'enhardit. Elle envoya un domestique s'informer chez le concierge de M. de Laléande. Il ne savait rien. Alors, comprenant que plus un voile d'espoir ne passerait au ras de cette mer de chagrin qui s'approfondissait, s'élargissait à l'infini, après l'horizon de laquelle il semblait qu'il n'eût plus rien, et que le monde finissait là, elle sentit qu'elle allait faire des choses folles, elle ne savait quoi, lui écrire peut-être, et devenu son propre médecin, pour se calmer un peu, elle se permit à soi-même de tâcher de lui faire apprendre qu'elle avait voulu le voir, écrivit ceci à M. de Grumello. « Monsieur, Madame de Buivre me dit votre aimable pensée, comme je vous remercie et suis touché, mais une chose m'inquiète. Monsieur de Laléon ne m'a-t-il pas trouvé indiscrète? Si vous ne le savez pas, demandez-le lui et répondez-moi, quand vous la saurez, toute la vérité. Cela me rend très curieuse et vous me ferez plaisir. Merci encore, monsieur. Croyez à mes meilleurs sentiments. Voragine brève. » Une heure après, un domestique lui portait cette lettre. « Ne vous inquiétez pas, madame. Monsieur de Laléon n'a pas su que vous vouliez l'entendre. Je lui avais demandé les jours où il pourrait venir chez moi. Sans dire pour qui. » Il m'a répondu de Biarritz qu'il ne reviendrait pas avant le mois de janvier. Ne me remerciez pas non plus. Mon plus grand plaisir serait de vous en faire un peu. Etc. Grumello. Il n'y avait plus rien à faire. Elle ne fit plus rien. S'attrista de plus en plus, eut des remords de s'attrister ainsi, d'attrister sa mère. Elle alla passer quelques jours à la campagne, puis partit pour Trouville. Elle y entendit parler des ambitions mondaines de M. de Laléande. Et quand un prince s'ingéniant lui disait « Que pourrais-je pour vous faire plaisir ?» elle s'égayait presque à imaginer combien il serait étonné si elle lui avait répondu sincèrement et concentrait pour la savourer toute l'enivrante amertume qu'il y avait dans l'ironie de ce contraste entre toutes les grandes choses difficiles qu'on avait toujours faites pour lui plaire et la petite chose si facile et si impossible qu'il aurait rendu le calme, la santé, le bonheur et le bonheur des siens. Elle ne se plaisait un peu qu'au milieu de ses domestiques qui avaient une immense admiration pour elle et qui la servaient sans oser lui parler, la sentant si triste. Leur silence respectueux et chagrin lui parlait de M. de Laléande. Elle l'écoutait avec une volupté triste et les faisait servir très lentement le déjeuner pour retarder le moment où ses amis viendraient, où il faudrait se contraindre. Elle voulait garder longtemps dans la bouche ce goût amer et doux de toute cette tristesse autour d'elle à cause de lui. Elle aurait aimé que plus d'êtres encore fussent dominés par lui, se soulageant à sentir ce qui tenait tant de place dans son cœur, en prendre un peu auprès d'elle, en dehors d'elle, aurait voulu avoir à elle beaucoup de belles énergies qui auraient langui de son mal. Par moments, désespérée, elle voulait lui écrire ou lui faire écrire, se déshonorer, rien ne lui était plus. Mais il valait mieux dans l'intérêt même de son amour garder sa situation mondaine, qui pourrait lui donner plus d'autorité sur lui, un jour, si son jour venait. Et si son intimité pendant quelque temps rompait le charme qu'il avait jeté sur elle, elle ne voulait pas. ne pouvait pas le croire, même l'imaginer un instant. Mais son esprit plus perspicace apercevait cette fatalité cruelle à travers les aveuglements de son cœur. Elle resterait sans plus un appui au monde, après. Et si quelque autre amour survenait, elle n'aurait plus les ressources qui, au moins, lui demeuraient maintenant, cette puissance, qui, à leur retour à Paris, lui rendrait si facile l'intimité de M. de Laléande. Essayant de séparer d'elle ses propres sentiments et de les regarder comme un objet extérieur qu'on examine, elle se disait « Je le sais médiocre et l'ai toujours trouvé tel. C'est bien mon jugement sur lui, il n'a pas varié. Le trouble s'est glissé depuis, mais n'a pu altérer ce jugement. C'est si peu que cela et c'est pour ce peu-là que je vis. Je vis pour M. de Laléande. » Mais aussitôt, ayant prononcé son nom, par une association involontaire, cette fois et sans analyse, elle le revoyait, et l'éprouvait un bien-être si infini doublé d'une peine si cuisante, qu'elle sentait que ce peu de choses qu'il était importait peu puisqu'il lui faisait éprouver des extases et des douleurs auprès desquelles tous les bonheurs et tous les chagrins n'étaient rien. Et bien qu'elle pensât qu'à le connaître mieux tout cela se dissiperait, elle donnait à ce mirage toute la réalité de sa propre souffrance si vraie et de son incontestable volupté. Ah, qu'elle aurait voulu l'avoir, ici, amoureux, qu'elle aurait voulu lui dire comme Sieglinde. Ah, s'il vient quelque jour ce généreux ami pour délivrer une femme opprimée, les tourments incessants de mon âme alarmée, tout s'oubliera. Mon cœur retrouvera tout ce qu'il a perdu. Ce que j'ai pleuré me sera rendu, quand dans mes bras, ô joie infinie, je pourrai presser ce héros. Il lui répondrait avec Sigmund, oublie enfin tes mots. Je suis le vengeur de ton rêve. Ah, que d'ardents et de tendres aveux mon cœur vers mes lèvres soulève. En toi, je trouve enfin l'objet de tous mes vœux, ô femme aimée, ô femme pure et sainte. Si tu souffris la honte et la contrainte, si j'ai subi les mépris orgueilleux, l'amour va nous venger de toutes nos souffrances. Ah, quelle ineffable douceur! Ah, que de chères espérances quand près du mien je sens battre ton cœur! Elle entendait ces paroles en une musique plus surnaturellement enivrée que celle pourtant toute extase, spasme, caresse et fidélité dont Wagner les rythma. C'était aussi une phrase des maîtres chanteurs, entendue à la soirée de la princesse de A, qui avait le don de lui évoquer M. de Laléande avec le plus de précision. « Dem Vogel der heute sang, dem war der Schnabel hochgewachsen. » Elle en avait fait sans le vouloir le véritable leitmotiv de M. de Laléande, et l'entendant un jour à Trouville dans un concert, elle fondit en larmes. De temps en temps, pas trop souvent pour ne pas se blaser, elle s'enfermait dans sa chambre où elle avait fait transporter le piano et se mettait à la jouer, en fermant les yeux pour mieux le voir. C'était sa seule joie grisante avec des fins désenchantées, le haschich dont elle ne pouvait se passer. S'arrêtant parfois à écouter couler sa peine, comme on se penche pour entendre la douce plainte incessante d'une source, et songeant à l'atroce alternative entre sa honte future, d'où suivrait le désespoir des siens, et, si elle ne cédait pas, sa désespérance éternelle, elle se maudissait d'avoir si savamment dosé dans son amour le plaisir et la peine qu'elle n'avait su ni le rejeter tout d'abord comme un insupportable poison, ni s'en guérir ensuite. Elle maudissait ses yeux d'abord et peut-être avant eux son détestable esprit de coquetterie et de curiosité, qui les avait épanouis comme des fleurs pour tenter ce jeune homme, puis qui les avait exposés comme de jeunes fous au regard de M. de Laléande, certains comme des traits et d'une plus invincible douceur que si ça avait été des piqûres de morphine. Elle maudissait son imagination aussi. Elle avait si tendrement nourri son amour que Françoise se demandait parfois si seule aussi son imagination ne l'avait pas enfantée, cet amour qui maintenant maîtrisait sa mère et la torturait. Elle maudissait sa finesse aussi qui avait si habilement, si bien et si mal arrangé tant de romans pour le revoir que leur décevante impossibilité l'avait peut-être attaché davantage encore à leur héros. Sa bonté et la délicatesse de son cœur, qui si elle se donnait empesterait de remords et de honte la joie de ses amours coupables, sa volonté si impétueuse, si cabrée, si hardie à sauter les obstacles quand ses désirs la menaient à l'impossible, si faible, si molle, si brisée, non seulement quand il fallait leur désobéir, mais quand c'était par quelque autre sentiment qu'elle était conduite. Elle maudissait enfin sa pensée sous ses plus divines espèces, le don suprême qu'elle avait reçu, et à qui l'on a, sans avoir su lui trouver son nom véritable, donné tous les noms. Intuition du poète ou du philosophe, extase du croyant, sentiment profond de la nature et de la musique, qui avait mis devant son amour des sommets, des horizons infinis, les avait laissés baigner dans la surnaturelle lumière de son charme, et avait en échange prêté à son amour un peu du sien, qui avait intéressé à cet amour, solidarisé avec lui et confondu toute sa plus haute et sa plus intime vie intérieure, avait consacré à lui comme le trésor d'une église à la Madone, tous les plus précieux joyaux de son cœur et de sa pensée, de son cœur qu'elle écoutait gémir dans les soirées ou sur la mer, dont la mélancolie et celle qu'elle avait de ne le point boire étaient maintenant sœurs. Elle maudissait cet inexprimable sentiment du mystère des choses, où notre esprit s'abîme dans un rayonnement de beauté, comme le soleil couchant dans la mer, pour avoir approfondi son amour, l'avoir immatérialisé, élargi, infinisé, sans l'avoir rendu moins torturant. Car, comme l'a dit Baudelaire parlant des fins d'après-midi d'automne, il est des sensations dont le vague n'exclut pas l'intensité, et il n'est pas de pointe plus acérée que celle de l'infini. Chapitre 5e. C'est à Trouville que je viens de retrouver Madame de Brève que j'avais connue plus heureuse. Rien ne peut la consoler ni la guérir. Si elle aimait Monsieur de la Léande pour sa beauté et pour son esprit, on pourrait chercher pour la distraire un jeune homme plus spirituel et plus beau. Si c'était sa bonté ou son amour pour elle qui l'avait attaché à lui, un autre pourrait essayer de l'aimer avec une fidélité plus touchante encore. Mais Monsieur de la Léande n'est ni beau ni intelligent. Il n'a pas eu l'occasion de lui prouver qu'il était tendre ou dur, oublieux ou fidèle. C'est donc bien lui qu'elle aime, et non des mérites ou des charmes qu'on pourrait trouver à un aussi haut degré chez d'autres. C'est bien lui qu'elle aime malgré ses imperfections, malgré sa médiocrité. Elle est donc destinée à l'aimer malgré tout. Lui, savait-elle ce que c'était, sinon qu'il en émanait pour elle de tels frissons de désolation ou de béatitude que tout le reste de sa vie et des choses ne comptait plus? La figure la plus splendide, la plus originale intelligence n'aurait pas cette essence particulière et mystérieuse, si unique, que jamais une personne humaine n'aura son double exact dans l'infini des mondes, ni dans l'éternité du temps. Sans Geneviève de Buivre, qui la conduisit innocemment chez Madame de A, tout cela n'eût pas été. Mais les circonstances se sont enchaînées et l'ont emprisonnée, victime de mal sans remède, parce qu'il est sans raison. Certes, Monsieur de la Léonde, qui promène sans doute en ce moment sur le sable de Biarritz une vie médiocre et des rêves chétifs, serait bien étonné s'il savait l'autre existence miraculeusement intense, au point de tout se subordonner, d'annihiler tout ce qui n'est pas elle, qu'il a dans l'âme de Madame de Brève, existence aussi continue que son existence personnelle, se traduisant aussi effectivement par des actes, s'en distinguant seulement par une conscience plus aiguë, moins intermittente, plus riche. Qu'il serait étonné s'il savait que lui peut aimer et peut rechercher d'ordinaire en ces espèces matérielles, et subitement évoquer où caille Madame de Brève, au milieu des gens du plus de talent, voire de génie aussi bien que dans les palais les plus fermés que dans les paysages qui se suffisent le plus à eux-mêmes, et qu'aussitôt cette femme si désirable n'a plus d'attention, de tendresse, de penser que pour cet intrus, devant qui tout s'efface, comme si lui seul avait la réalité d'une personne et si les autres étaient vains comme des ombres. Que Madame de Brève se promène avec un poète ou déjeune chez une archiduchesse, qu'elle quitte Trouville pour la montagne ou pour les champs, qu'elle soit seule et lise ou cause avec l'ami le mieux aimé, qu'elle monte à cheval ou qu'elle dorme, le nom, l'image de Monsieur de la Léonde est sur elle, délicieusement, cruellement, inévitablement, comme le ciel est sur nos têtes. Elle en est arrivée, elle qui détestait Biarritz, à trouver à tout ce qui touche à cette ville un charme douloureux et troublant. Elle s'inquiète des gens qui y sont, qui le verront peut-être sans le savoir, qui vivront peut-être avec lui sans en jouir. Pour cela, elle est sans rancune et sans envie, et sans oser leur donner de commission, elle les interroge sans cesse, s'étonnant parfois qu'on l'entende tant parler alentour de son secret sans que personne l'ait découvert. Une photographie de Biarritz est un des seuls ornements de sa chambre. Elle prête à l'un des promeneurs, qu'on y voit sans le distinguer, les traits de Monsieur de la Léonde. si elle savait la mauvaise musique qu'il aime et qu'il joue. Les opéras italiens prendraient sans doute sur son piano et bientôt dans son cœur la place des symphonies de Beethoven et des drames de Wagner, par un abaissement sentimental de son goût et par le charme que le foyer d'où vient pour elle tout charme et toute peine projetterait sur eux. Parfois l'image de celui qu'elle a vu seulement deux ou trois fois et pendant quelques instants, qui tient une si petite place dans les événements extérieurs de sa vie et qui en a pris une dans sa pensée et dans son cœur absorbante jusqu'à les occuper tout entier, se trouble devant les yeux fatigués de sa mémoire. Elle ne le voit plus, ne se rappelle plus ses traits, sa silhouette, presque plus ses yeux. Cette image, c'est pourtant tout ce qu'elle a de lui. Elle s'affole à la pensée qu'elle la pourrait perdre, que le désir, qui certes la torture, mais qui est tout elle-même maintenant, en lequel elle s'est toute réfugiée, après avoir tout fui, auquel elle tient comme on tient à sa conservation, à la vie, bonne ou mauvaise, pourrait s'évanouir et qu'il ne resterait plus que le sentiment d'un malaise et d'une souffrance de rêve, dont elle ne saurait plus même l'objet qui le cause, ne le verrait même plus dans sa pensée et ne l'y pourrait plus chérir. Mais voici que l'image de M. de Laléande est revenue après ce trouble momentané de vision intérieure. Son chagrin peut recommencer et c'est presque une joie. Comment Mme de Brève supportera-t-elle ce retour à Paris, où lui ne reviendra qu'en janvier? Que fera-t-elle d'ici là? Que fera-t-elle? Que fera-t-il après? 20 fois j'ai voulu partir pour Biarritz, me faire présenter M. de Laléande et le ramener. Les conséquences seraient peut-être terribles, mais je n'ai pas à l'examiner. Elle ne le permet point, m'a fait jurer que je ne le ferai pas. Mais je me désole de voir ces blanches petites tempes si parfaites, battues du dedans, jusqu'à en être brisées par les coups sans trêve de cet amour inexplicable. Il rythme toute sa vie sur un mode d'angoisse. Souvent, elle imagine qu'il va venir à Trouville, s'approcher d'elle, lui dire qu'il l'aime. Elle le voit, ses yeux brillent. Il lui parle avec cette voix blanche du rêve qui nous défend de croire tout en même temps qu'elle nous force à écouter. C'est lui. Il lui dit ces paroles qui nous font délirer, malgré que nous ne les entendions jamais qu'en songe, quand nous y voyons briller, si attendrissant, le divin sourire confiant des destinées qui s'unissent. Aussitôt le sentiment que ces deux mondes de la réalité et de son désir sont parallèles, qu'il leur est aussi impossible de se rejoindre que l'ombre le corps qu'il a projeté, la désole. Alors, se souvenant de la minute au vestiaire où son coude frôla son coude, où il lui offrit ce corps qu'elle pourrait maintenant serrer contre le sien si elle avait voulu, si elle avait su, et qui est peut-être à jamais loin d'elle, elle sent des cris de désespoir et de révolte la traverser tout entière, comme ceux qu'on entend sur les vaisseaux qui vont sombrer. Si, se promenant sur la plage ou dans les bois, elle laisse un plaisir de contemplation ou de rêverie, moins que cela une bonne odeur, un chant que la brise apporte et voile doucement la gagner, lui faire pendant un instant oublier son mal, elle sent subitement dans un grand coup au cœur une blessure douloureuse, et plus haut que les vagues ou que les feuilles, dans l'incertitude de l'horizon sylvestre ou marin, elle aperçoit l'indécise image de son invisible et présent vainqueur qui, les yeux brillants à travers les nuages comme le jour où il s'offrit à elle, s'enfuit avec le carquois dont il vient encore de lui décocher une flèche. Ainsi s'achève « Mélancolique villégiature » de Madame de Brève par Marcel Proust.